إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, dans les premiers versets de Surat al-Mulk, « Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizu al-ghafur. » Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est capable de toutes choses. C'est lui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le puissant, le pardonneur. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il a créé la mort et la vie dans le but de nous éprouver. Et cette épreuve, quelle est-elle? C'est de savoir qui parmi nous est le meilleur en œuvre. C'est-à-dire, qui parmi nous accomplit les meilleures des œuvres et méditer sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyukum ahsanu amala. Qui de vous est le meilleur en œuvre? Il n'a pas dit qui de vous fait le plus d'œuvres, qui de vous accomplit les plus nombreuses œuvres. Mais il a dit subhanahu wa ta'ala ahsanu amala. Qui de vous est le meilleur en œuvre? Et quelles sont les meilleures des œuvres? Certains, parmi nos pieux prédécesseurs, rahimahum Allah ta'ala, ont été interrogés au sujet de ce verset. Quelles sont les meilleures des œuvres? Ils ont répondu, les meilleures des œuvres, ce sont les plus sincères et les plus conformes. Il leur a alors été demandé, et qu'est-ce que l'œuvre la plus sincère et la plus conforme? Il répondit alors, l'œuvre la plus sincère, c'est celle qui est pour Allah, et l'œuvre la plus conforme, c'est celle qui est conforme à la sunna, c'est-à-dire la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En ce noble mois, le mois de Ramadan, comme vous le savez et comme on l'a mentionné dans de précédentes assises, il est légiféré pour nous de multiplier les œuvres, de redoubler d'efforts dans les œuvres pieuses. Cependant, ces œuvres, nous devons nous efforcer à ce qu'elles soient pieuses, à ce qu'elles soient les meilleures des œuvres et qu'elles soient, c'est-à-dire, sincères pour Allah et conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci sont les deux conditions d'acceptation de tes œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ton œuvre est sincère et qu'elle est conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors elle sera acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si elle n'est pas sincère ou si elle n'est pas conforme à la sunna, alors cette œuvre sera rejetée et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. La première condition donc, c'est l'ikhlas. La sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu ne recherches à travers ton œuvre que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à l'œuvre qui n'est pas sincère, qui n'est pas vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, alors celle-ci est rejetée. Si tu accomplis une œuvre en donnant des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette œuvre est rejetée. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que ce qui lui est voué exclusivement. Quant à ce qui est mélangé avec du shirk, ce qui est mélangé avec du polythéisme, alors ceci est rejeté. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accepte pas. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse des œuvres pieuses, et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Et dans le hadith al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe autre que moi, alors je le délaisse, lui et son association. » Et dans une autre version du hadith, « Alors je le délaisse à celui à qui il m'a associé, et je me désavoue de lui. » Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas le shirk. Il n'accepte pas qu'on lui donne des associés dans l'adoration. Que ce shirk soit majeur ou mineur. Si le shirk est majeur, Si c'est de l'association majeure que la personne a accomplie, alors l'ensemble de ses œuvres sont rejetées. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « La in ashrakta, la yahbatan amaluk. » Si tu donnes des associés, alors ton œuvre sera vaine. Celui qui fait du polythéisme majeur, comme celui qui invoque autre qu'Allah, ou qui sacrifie une bête pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou qui se prosterne pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors celui-ci, il a commis du polythéisme majeur. L'ensemble de ses œuvres sont vaines. La prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage et toutes les autres œuvres qu'il a accomplies, elles sont toutes rendues vaines par le polythéisme majeur. Quant à l'association mineure, comme l'ostentation, alors celle-ci, elle rend vaine l'œuvre dans laquelle elle est accomplie. C'est-à-dire que celui qui accomplit une œuvre par ostentation, afin que les gens le voient, afin que les gens le complimentent et fassent ses éloges, alors cette œuvre, elle n'est pas vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette œuvre, elle est rejetée, car il n'a pas recherché par cette œuvre le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il a voulu se montrer. Il a recherché les éloges et les compliments. De la même manière, celui qui accomplit une œuvre pour se faire écouter des gens, comme celui qui élève le son en évoquant Allah subhanahu wa ta'ala, ou celui qui embellit sa voix lors de la lecture du Coran, si des gens l'écoutent, afin qu'ils disent que c'est un bon lecteur. Tout ceci est rejeté par Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait cela dans ses œuvres, qui recherche les compliments des gens, celui qui œuvre par ostentation, son œuvre, elle est rejetée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Si Allah subhanahu wa ta'ala sait que cette œuvre, tu ne lui as pas voué exclusivement, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas cette œuvre. C'est pour cela qu'il est obligatoire que tu purifies ton attention, que tu voues l'ensemble de tes œuvres exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu t'écartes le plus loin possible de toute forme d'ostentation. Et pour cela, il t'est légiféré de cacher tes œuvres autant que tu peux, que tu réserves certaines œuvres que tu accomplis seulement entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf les œuvres qu'il est légiféré d'accomplir publiquement, comme par exemple la prière en commun. Cette œuvre-là, il n'est pas possible de l'accomplir si ce n'est publiquement. Cependant, la personne, elle doit purifier son attention et accomplir cette œuvre uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il est venu dans le hadith, les œuvres ne valent que par les intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. Celui dont la hijra est vers Allah et son messager, alors sa hijra sera vers Allah et son messager. Et celui dont la hijra est pour un bien de ce bas monde qu'il souhaite atteindre, ou pour une femme avec qui il souhaite se marier, alors sa hijra, elle sera vers ce pourquoi il a émigré. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah, d'après le prince des croyants, Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Et ceci est valable pour l'ensemble de tes œuvres. Celui qui accomplit la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors sa prière, elle sera pour Allah. Et celui qui accomplit la prière pour se montrer des gens, pour qu'on dise qu'il prie, ou autre, alors sa prière, elle sera pour ce pour quoi il a prié. Celui qui lit le Coran, recherchant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sa récompense, alors sa lecture du Coran, elle sera comptée comme telle. Mais celui qui lit le Coran, pour qu'on le dise qu'il a terminé le Coran plusieurs fois en ce mois, pour qu'on dise qu'il a une belle voix, pour qu'on dise qu'il récite très bien, qu'il a une belle récitation, alors celui-ci, son œuvre est rejetée. Son œuvre n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Car tes œuvres, tu es rétribué pour celles-ci en fonction de tes intentions. Tu dois donc parfaire ton intention, purifier ton intention et la vouer exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu ressens dans ton cœur une chose comme l'ostentation ou autre, alors tu dois t'empresser d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, si tu ressens de l'infatuation, que tu t'enorgueillis de ton œuvre, que tu te sens meilleur que tes frères et sœurs parce que tu as accompli telle ou telle œuvre, alors tu dois t'empresser d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de te repentir à lui et de purifier ton intention et de vouer le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ton attention dans tes œuvres, cela ne doit pas être les éloges et les compliments des gens, mais ton attention, cela doit être d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, pour l'ensemble de tes œuvres. Tu dois donc lutter contre ton âme, lutter contre ta personne et t'éloigner de l'amour des compliments, t'éloigner de l'amour des éloges, t'éloigner de l'amour d'être révéré par les gens et respecté par les gens. Mais tu ne dois œuvrer que pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant sa récompense, en espérant la bonne rétribution auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce afin que tes œuvres ne soient pas seulement une source de fatigue de laquelle tu ne tireras aucun profit au jour de la résurrection. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ceci est donc la première condition pour que ton œuvre soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième condition, c'est que ton œuvre elle soit conforme. Conforme à quoi on a dit ? Conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Que ton œuvre soit éloignée de toute innovation, de toute chose inventée en religion, sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala n'a révélé aucune preuve. Tu ne dois donc pas suivre dans tes œuvres les coutumes et les habitudes des gens. Mais tu te dois de suivre la preuve. La preuve, soit du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est confirmé par une preuve du Coran ou de la sunna, alors tu adores Allah subhanahu wa ta'ala par cette œuvre. Et ce qui n'est pas confirmé par une preuve, ni du Coran, ni de la sunna, ni de l'unanimité, alors tu le délaisses et tu ne l'accomplis pas. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a envoyé un messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ce afin que ce messager explique aux gens ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a légiféré comme adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donc clarifié quelles sont les œuvres qui nous permettent de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a clarifié quelles sont les œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et il nous a clarifié également qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit les innovations et les choses instaurées en religion. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala, d'après Aïcha radiallahu ta'ala anha, quiconque instaure dans notre ordre ce qui n'en fait pas partie, alors ceci sera rejeté. Et dans une autre version, quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors celle-ci sera rejetée. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas de toi que tu accomplisses une œuvre qu'il n'a pas légiférée. Même si l'intention de son auteur est bonne, même s'il accomplit cette œuvre sincèrement pour Allah, même s'il espère par cette œuvre se rapprocher d'Allah et obtenir sa récompense, son œuvre elle est rejetée car Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas légiférée. Donc tout ce qui n'est pas légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne l'accepte pas. Car Allah n'est adoré que par ce qu'il a légiféré, soit dans son livre, soit dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois donc suivre dans tes œuvres la guidée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans chacun de ses sermons, il répétait cela. Le meilleur des discours est le livre d'Allah. La meilleure des guidées est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les choses les plus mauvaises sont celles instaurées en religion. Et toute chose instaurée en religion est une innovation. Et toute innovation est égarement. Et tout égarement est en enfer. Et dans un autre hadith, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Accrochez-vous-y et mordez-y avec vos molaires et prenez garde aux choses instaurées en religion, car toute chose instaurée est une innovation et toute innovation est égarement. C'est-à-dire que toute innovation est un égarement et mène au feu de l'enfer et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Les innovations, elles sont donc interdites dans la religion. Il n'est pas permis d'accomplir une œuvre, quelle qu'elle soit, si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas légiférée. Même si les gens qui l'accomplissent sont nombreux, même s'ils l'ont enjolivée, et même s'ils aiment accomplir cette œuvre, et même s'ils prétendent que c'est une obéissance et qu'elle rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci ne fait en fait que les éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah n'a pas légiféré cette œuvre. Nous disons donc que tant qu'une œuvre n'est pas prouvée, soit par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas accompli, et qu'il n'a pas ordonné de l'accomplir, et qu'elle ne fait pas partie de la guidée de ses califes bien guidés, alors cette œuvre est une innovation et un égarement. Et ce n'est pas une œuvre qui peut te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, elle ne fait qu'éloigner son auteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas cela de ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas et il n'agrée pas que l'on accomplisse une œuvre instaurée en religion. Et il n'accepte pas cela de ses serviteurs, car ceci ne fait pas partie de sa législation. Ceci ne fait pas partie de sa religion. C'est pour cela que c'est un égarement. Et les innovateurs, ceux qui instaurent des choses dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se sont égarés du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont délaissé la guidée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et en réalité, ce ne sont pas des suiveurs du messager sallallahu alayhi wa sallam, mais ce sont des suiveurs de leur passion. Des suiveurs des démons parmi les hommes et les djinns qui leur ont instauré ces choses en religion alors qu'elles n'en font pas partie et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a révélé aucune preuve à ce sujet. Ces démons parmi les djinns et les hommes, ils leur ont donc embelli les innovations et ce afin de les égarer du droit chemin. Et en réalité, si tu médites, il y a dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré tout le bien, la bénédiction et la suffisance. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala accorde la réussite, alors il se contentera de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré dans son livre et dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas abandonnés à nos raisons. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas livrés à nous-mêmes. Et il ne nous a pas livrés non plus aux habitudes des gens, à leurs coutumes et à leurs traditions. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a révélé un livre et il nous a envoyé un messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ce messager, il nous a montré la voie à suivre pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu récites surat al-Fatiha, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala d'une invocation immense. Tu dis lorsque tu la récites, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est-à-dire Allah, et c'est de toi seul que nous implorons l'aide. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Sirat al-ladina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Non pas celui de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Ceci est une invocation que tu accomplis dans chacune des unités de ta prière. Et c'est une invocation immense. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider sur le droit chemin, qui est sa religion et sa législation. Et tu lui demandes de te maintenir fermement sur ce chemin et de t'écarter de la voix de ceux qui ont couru sa colère. Et qui sont ceux qui ont couru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ce sont ceux qui ont la science, qui ont la connaissance, mais qui ne la mettent pas en pratique. Et qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala en toute connaissance de cause. Et tu lui demandes également de t'écarter et de te préserver de la voix des égarés. Et les égarés, ce sont ceux qui accomplissent des œuvres sans aucune preuve, sans aucune science, contraire à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Ceux-là, ce sont les égarés, ce sont les perdus, ceux qui ne suivent aucune voie, qui ont emprunté un chemin qui les a égarés du droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils accomplissent des œuvres qui ne sont pas légiférées. Alors, ils se sont fatigués sans aucun intérêt. Ceci est l'exemple donc de celui qui accomplit une œuvre qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiférée. Il peut se fatiguer autant qu'il veut. Il peut avoir la meilleure des intentions et espérer se rapprocher d'Allah. Si cette œuvre qu'il accomplit n'est pas légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accepte pas et elle est rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah n'agrée que ce qu'il a légiféré. Et Allah subhanahu wa ta'ala a complété sa religion. Il n'a pas fait mourir son prophète sallallahu alayhi wa sallam avant d'avoir complété sa religion et d'avoir parfait sur nous son bienfait. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam adina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous ma religion, accompli sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Donc, si tu cherches le bien, si tu cherches le salut, tu dois t'accrocher à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans ajout ni diminution, et ce afin d'être sur le chemin de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses faveurs parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, les innovateurs, ils sont très actifs. Ils écrivent de nombreux livres, ils propagent de nombreux écrits, ils sont présents sur les chaînes de télévision et ils sont présents aussi sur Internet, sur YouTube, sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et autres. Et ils enjolivent aux gens les innovations. Et ils appellent les gens aux innovations, aux choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiférées. Donc le musulman, il doit prendre garde à cela. Et il doit s'écarter des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiférées. Et il doit prendre garde à tous ces gens qui appellent aux innovations et qui font fuir de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car comme vous le voyez, ils font des efforts qui sont en réalité des efforts démoniaques. Ils sont donc très dangereux. Il est donc obligatoire pour le musulman de prendre garde aux innovateurs et de mettre en garde contre eux et de mettre en garde contre leur mal. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de leur mal et de préserver les musulmans du mal de la prédication de ces prêcheurs aux portes de l'enfer qui sont malheureusement très présents, comme on l'a dit, sur YouTube, les réseaux sociaux et autres. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de me compter ainsi que vous parmi ceux qui accomplissent des œuvres sincères pour Allah en lui vouant exclusivement le culte et également conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.